L'adjoint aux manettes, les manettes à l'adjoint, Chemou, yo, se baiser les bises, Pâle ici passant, son attaque, production, en direct de tes oreilles moucherons, c'est l'effet moucheron, c'est l'effet moucheron, ok, et vas-y nique sa mère, j'rappe ma vie, tu le sais moucheron, et quand je relis mes textes, je repars en arrière, c'est l'effet moucheron. C'est un peu comme l'effet papillon, mais je peux pas changer mon passé, ni celui des proches, c'est un peu emmerdant. Bah ouais, ma vie c'est pas un film, je me replonge dans mes écrits, je vois que des cris, des contestations à l'usine. Des constatations par dizaines, ici y'a que des étoiles, fais pas la star dans ma constellation urbaine. Quant à nous, on restera sain, parce que la vie nous a appris qu'on est rien, simple humain, faible et fragile. Bête et sadique, quand il s'agit de se faire du mal, on met le best, tu se montres créatif. Et c'est triste après dire, souvent il me fait peur, des fois j'en ai mal au cœur. Quand je pisse, c'est délire, c'est délire. Et je l'ai déjà dit dans un de mes titres, beaucoup sont effarés, égarés, que Dieu les guide. À chaque fois je prends un mic, je suis à l'essai. Ils restent tous cons face au moucheron et son effet. Tous les abaissés, tous baiser le bise, moi je suis terrible en effet. À chaque fois je prends un mic, je suis à l'essai. Ils restent tous cons face au moucheron et son effet. Baisse le bise, ouais, tous les abaissés. Tous baisse le bise, moi j'suis terrible en effet. Oh, c'est l'effet moucheron. J'vais baiser tout le monde. C'est l'effet moucheron. J'vais baiser tout le monde. C'est l'effet moucheron. J'vais baiser tout le monde. C'est l'effet moucheron. Quand faut y aller, faut y aller. Alors j'y vais, il faut mailler, je suis fou allié. Quand ça devient chaud, moi je suis givré. C'est pour les rejetés de la société, les regrettés de nos cités. Dans la sobriété, j'écris la vie et sa férocité. Pour la simple et mauvaise raison que ce truc m'habite, sa mère la pute, j'entame la suite en faisant au mieux. Je retranscris mes doutes et mes humeurs du style arc-en-ciel. Je t'en fais voir de toutes les couleurs et toutes les douleurs que j'ai accumulées depuis ma naissance. Je vous les confie tous mes conflits rappés avec aisance. Mais je reste un mauvais atout, je détruis et je dénonce entre les bons à rien et les mauvais à tout. Parce que je suis clair et précis et que le move est dans le flou. Y'a que des jaloux, mais rien qu'avec ce flow, je les baise à eux tous. Je suis comme un P dans le fond. J'arrive n'importe quand, je reste pas longtemps, mais quand je suis là, ça sent pas bon. À chaque fois je prends un mic, je suis à l'essai. Ils restent tous cons face au moucheron et son effet. Tous les abaissés, tous baiser le bise, moi je suis terrible en effet. À chaque fois je prends un mic, je suis à l'essai. Ils restent tous cons face au moucheron et son effet. Tous baiser le bise, ouais, tous les abaissés, tous baiser le bise, moi je suis terrible en effet. Oh, c'est l'effet moucheron. Je vais baiser tout le monde. C'est l'effet moucheron. Je vais baiser tout le monde. C'est l'effet moucheron. Je vais baiser tout le monde. C'est l'effet moucheron. Je vais baiser tout le monde. Espèce de le bise en direct de tes oreilles moucheron. C'est l'effet